ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم. السلام. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. On continue toujours notre cours, toujours le sujet de l'unicité. Tout le monde parle de tout sauf de l'unicité. Tout le monde explique tout sauf l'unicité. Ils apprennent le hadith, le fiqh, ils apprennent fada et l'a'mal, ils apprennent tarhib ou tarhib, mais ils lâchent le plus important qui est l'unicité, qui est la base de toute chose, qui est le départ de toute chose et qui est l'objectif de toute chose, qui est la fin de toute chose. Allah, il a créé les cieux et la terre pour qu'on l'adore. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah, il a révélé, il a envoyé des prophètes, il a descendu ses lois. Pourquoi? Pour qu'on l'adore et pour qu'on le connaisse. لِيُعْبَدَ وَيُعْرَفَ. Hein? جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ها؟ إلى غيبل الدلوة بشعائر لا فاسون دو لا دوري. Pourquoi ça? Pour qu'on le connaisse. عليكم السلام ورحمة الله. Donc j'ai dit, il a créé les cieux et la terre pour qu'on le connaisse, pour qu'on l'adore. Il a révélé des lois, il a révélé des rites. Pourquoi? Pour qu'on l'adore. Allah a institué, regardez le mot, institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Il a institué le mois sacré, l'offrande d'animaux et les guirlandes. Afin quoi? Afin que vous sachiez que vraiment Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vraiment Allah est omniscient. Il a révélé des lois et il a statué des lois pour qu'on le connaisse. Et donc il a créé les cieux et la terre. Pourquoi? Pour qu'on le connaisse. Dans Surat Taghabun, je vais chercher la traduction. Il y a un Allah. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. Alors la création, il a créé l'ordre de l'existence. Pourquoi il a créé? Pourquoi? Pour que vous sachiez finalement. Le but, pour que vous sachiez. Allah qui a créé cette cieux et autant de terre, entre son commandement descend afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Alors, révélation des lois, des statuts et création des terres et des cieux, pourquoi? Pour qu'on le sache, pour qu'on le connaisse. Donc, contrairement à tous les autres qui apprennent aux gens bon, d'autres choses, c'est important, mais le plus important, c'est de faire connaître les gens et faire connaître leur propre créateur. Leur propre créateur, ses attributs, ses noms, ses attributs, qu'il est au-dessus des cieux, qu'il a fait ça, qu'il est digne, qu'on l'adore, qu'il est... Et donc finalement, la personne qui connaît apparemment ce qui se passe dans l'univers, il a une certaine science, s'il n'adore pas son créateur, s'il rend le droit de son créateur sur lui, c'est qu'il ne sait rien du tout. Allah, il l'a appelé quoi? Ignorant. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ذلك بأنهم قوم لا يفقهون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. Ils connaissent juste l'apparence, tout ça, médecine, biologie, physique, chimie, tout ce qui est nucléaire, c'est quoi ça? Quand ça t'emmène pas vers ton créateur, ça vaut rien du tout. Allah, il veut pas de cette science. C'est une science apparente, ça peut te servir ici-bas. Mais pour Allah, tu es ignorant. Parce que tu vois les signes d'Allah, tu vois dans la biologie comment les virus ils agissent, comment les bactéries ils agissent, comment les gènes des cellules ils agissent. Et pourtant ça t'emmène pas à l'adorer, ça t'emmène pas à le connaître, à chercher à le connaître, ça t'emmène pas, ça t'emmène à le nier vraiment, ça t'emmène à se gonfler d'orgueil. Non, إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Quand tu leur dis la ilaha illallah, ils se gonflent d'orgueil. Il ne veut pas lever ses yeux vers son créateur. Parce qu'il a eu cette science, il croit qu'il est... Et donc, Allah il a dit à ces gens-là, يَعْلَمُونَ ظَهَرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Ils connaissent un aspect, juste un aspect, l'aspect extérieur. Mais quand ce savoir, ils ne les mènent pas à adorer leur créateur. C'est pas un savoir, ça mène à rien ça. Comme un savoir qui t'emmène à ce que tu connais pas le droit d'Allah sur toi. Ça sert à rien cette science finalement. D'accord. Donc nous on commence par ce dont ce qu'a commencé les prophètes. Les prophètes, la première chose, quand Allah les a envoyés, c'est pour les faire connaître aux gens leur propre créateur. Ne pas leur dire qu'il y a un créateur, parce que là, c'est en prime nature. L'être humain, par prime nature, il sait qu'il y a un créateur. Mécréant ou musulman, il sait qu'il y a un créateur à l'intérieur d'eux. S'il le nie verbalement, par la parole, à l'intérieur, il instinctivement, il croit qu'il y a un créateur. Pharaon, hein? Il a dit Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Dieu le plus haut. Il a dit ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri, je connais aucune divinité à part moi. Et c'est gonflé d'orgueil et tout, il s'est dit qu'il est le Dieu. Et pourtant, Moussa, il est venu le voir, il a dit laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbu as-samawati wal-ardi basa'ir. Tu le sais, il a dit Moussa. Il a dit tu sais que c'est Allah qui a fait descendre, que le Créateur qui t'a créé, qui a descendu ces signes-là. Le bâton et la main, les signes enfin, qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa, alayhi salam. Donc finalement, on commence à faire comprendre aux gens qui est leur dogme, leur base. C'est à partir de cette base que tu peux que t'as une vision claire sur les choses. Si tu ne connais pas ton propre Créateur, tu vas patauger, tu vas planer, quoi. Donc il faut toujours la base. C'est à partir de laquelle, c'est la base que finalement, c'est cette unicité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souffert quand il a fait apprendre ça aux sahaba. 13 ans de travail, pourquoi les faire comprendre qu'Allah a un droit sur eux, qu'ils doivent l'obéir, appliquer ses lois, etc. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Et donc l'unicité, finalement tout le Coran, c'est l'unicité. Dans tout le Coran, même dans les versets où il y a l'ahkam, où il y a des lois et tout, quand il finit le verset, il le finit par quoi ? وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. Le voleur ou la voleuse, vous leur coupez leurs mains. D'accord, ça c'est une loi. Mais il finit par quoi ? Hein ? نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Il a fini par quoi ? Par l'unicité. Donc quand il statue des lois, il finit par l'unicité. Quand il a créé les cieux, quand il nous montre qu'il a, par la révélation, qu'il a créé les cieux et la terre, c'est que ça finit par l'unicité finalement. Donc c'est la priorité, c'est le sujet le plus important, c'est la base. D'accord ? Faire connaître les gens, leur propre créateur, pour qu'ils disent celui à qui ils s'adressent, c'est qui celui à qui il s'adresse ? Est-ce que c'est lui qui a un fils ? Est-ce que c'est lui qui est le troisième des trois ? Est-ce que c'est lui qui est représentable par une statue ? Est-ce que c'est lui qui est dans l'univers ? Et que... est-ce que... C'est-à-dire... Les faire comprendre qui est ce créateur, parce que quand ils le connaissent, l'acte du cœur réagit, ils vont plus le craindre, ils vont plus l'aimer, et donc ils vont plus agir pour l'adorer. D'accord. Donc connaissance, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi. sache qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah, wa astaghfirina. Et donc Allah, dans ce verset de sourate Muhammad, il y a des fa'alam. Et c'est pour ça que Bukhari, il a fait intitulé il a mis un titre. Le titre, il est appelé Ilmu la ilaha illallah qabla al-qawli wa al-amal. Connaissance. C'est la connaissance qui précède la parole et l'acte. La connaissance. Et donc, connaissance, il a mis un grand titre. Ilmu la ilaha illallah qabla al-qawli wa al-amal. La connaissance de la ilaha illallah avant la parole et l'acte. D'accord? Et donc, le Hafid ibn Hajar al-Asqalani, quand il a fait l'exégèse, l'explication de ce titre-là, il a sorti une parole d'un alim qui s'appelle Ibn al-Munir. Il a dit que la parole et l'acte, ils sont précédés par quoi? Par la connaissance. Et que cette parole et acte ne sont authentiques que c'est la connaissance. Elle est authentique. Parce que la connaissance, c'est elle qui corrige l'intention, et l'intention, c'est elle qui corrige l'acte. T'as vu? Où est-ce que ça va? D'accord? Donc, le connaître. Ça, c'est une introduction, et on a parlé précédemment des différents types d'associations, puisque le premier ordre, c'est adorer Allah. D'accord? Et éviter le tarot, éviter toute forme d'association. Ça, c'est le premier ordre. La première justice, c'est adorer Allah. La plus grande injustice, c'est l'association. La plus grande injustice, c'est de rompre le droit d'Allah sur toi. Ça, là, c'est cette injustice. Et il n'y a pas de plus grande que celle-là. D'accord? On a parlé de ça. Et le premier ordre, c'est Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf. Le premier ma'ruf, c'est l'unicité. Le premier mal que vous devez enlever, c'est l'association. Donc la première justice, c'est Tawhid. La plus grande injustice, c'est l'association. Hein? La plus grande connaissance, c'est que tu connais ton Créateur. La plus grande ignorance, c'est de l'associer. Parce que quand tu lui associes, tu l'ignores. Quand il représente sous forme de trinité, tu l'ignores. Quand tu lui attribues un fils, tu l'ignores. Quand tu vas invoquer une tombe, tu l'ignores. Quand tu n'appliques pas ses lois, quand tu dis qu'il y a d'autres lois statuées par d'autres gens, ils sont mieux que les lois d'Allah, tu l'ignores. D'accord? Donc on a parlé de différentes sortes d'associations. On a parlé de l'association dans l'invocation. On a parlé de l'association relative à l'amour. On a parlé de l'association relative à l'intention, et petit d, c'est le cours qu'on a fait, une partie on l'a fait dans le cours dernier, c'est l'association relative à l'obéissance, c'est-à-dire d'obéir quelqu'un autre qu'Allah, d'accord? Donc quand il légifère des lois différentes à celles des lois légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, je commence, disons que je refais un peu ce que j'ai dit, je redis ce que j'ai dit précédemment. L'association relative à l'obéissance, quand une personne atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est qu'en vérité, il doit s'engager à suivre le prophète. Il doit s'engager à le suivre. Quand il dit « Ash'hadu anna Mohammed al-Rasulullah », qu'est-ce que ça veut dire? C'est un engagement, ça. C'est pas une parole, c'est un engagement. C'est pas une prononciation, tu dors chez toi, tu es tranquille. C'est pas que tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah, et tu te mets le cachet, tu rentres au paradis. Ça n'a jamais, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça n'a jamais été réduit à une simple prononciation. C'est un signe que tu sois musulman. C'est un signe que tu montres aux gens que tu es musulman. Mais le fait de rentrer au paradis, c'est d'éviter toute forme d'association et de n'adorer que lui. D'accord? Finalement, celui qui va invoquer une tombe, c'est qu'il a rompu ce qui est le pacte entre lui et son propre Créateur. Il a dit, il n'y a que Dieu que toi. Et finalement, il a adoré une autre. Il a mis une autre divinité. Il a adoré un autre Dieu. Quand une personne atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est qu'en vérité, il doit s'engager à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, à croire à tout ce dont il nous a informé. il nous a informé des choses sur le delà, toute chose tasdiq, à confirmer tout ça, à croire fermement à tout ce qu'il nous a dit. Même si certaines choses contredisent la tête et tout, hein, même si ça va à l'encontre de notre raison et tout, cette raison, ce cerveau-là, il doit se soumettre devant le texte. D'accord? Il nous a dit des choses que notre cerveau ne peut pas concevoir. Sami'na wa ata'na, soumission totale. D'accord? Quand il nous parle des djinns, il nous parle de jour, du jugement, il nous parle que le ciel, le soleil va s'approcher de la tête des hommes comme ça, alors que maintenant, s'il se déplace d'un centimètre, il brûle toute l'atmosphère, il brûle toute la terre. Hein, d'accord? Il n'y aura plus d'êtres humains sur la terre. D'accord? Donc si on part de ce raisonnement scientifique et tout, on commence à faire des analogies avec le hadith du prophète, il dit que le soleil s'approche et on rejette le hadith, ça c'est grave. Donc soumission totale devant le texte. Deuxièmement, à s'appliquer à l'obéir, faire ce qu'il nous a demandé de faire et éviter ce qu'il nous a demandé d'éviter en se soumettant intérieurement et extérieurement. Allah a dit, la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu et nous avons obéi, et voilà qui réussissent. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Surat 24, verset 51-52. Ah, tout commence par là. Ça, c'est l'islam. Quand quelqu'un vous dit c'est quoi l'islam, c'est ce verset. Il sort ce verset. Hein? Donc il faut avoir des bases comme ça, des versets à prendre par cœur pour les utiliser quand on fait da'wa ou quand on... Parce que tout le monde, quand il dit à quelqu'un c'est quoi l'islam, il va rester comme ça. C'est quoi l'islam? Il va te sortir les piliers. Oui, ça c'est les piliers. Shahadat wa la ilaha illallah wa qam as-salat wa ita'u zakat wa sawm ramadan wa hajj al-bayt il-akhir. Mais ça c'est les piliers. Mais l'islam c'est quoi? Là, il faut des versets comme ça. C'est soumission, c'est sana wa ta'a. Ça, c'est la base de l'islam. L'unicité, l'islam, c'est l'unicité et l'obéissance du prophète. Retenez bien ça. D'accord? Et dans l'obéissance, il y a quoi? Il y a les piliers dans l'obéissance du prophète. Allah a dit, c'est un autre verset, « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle contrariété parce que tu auras... pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à la sentence. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle contrariété pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement. Surat 4, verset 65. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Soumission totale, intérieur et extérieur. L'explication de verset. Ibn Kathir, il a dit dans son explication de ce verset, Allah exalté jure par sa propre personne noble et sacrée que nul n'est un vrai croyant s'il ne prend pas le messager sallallahu alayhi wa sallam pour juge dans toutes les affaires. La sentence du messager est le bon droit qu'on doit suivre apparemment et intérieurement. C'est pour cela qu'il a dit, ils n'auront éprouvé nulle contrariété pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement, c'est-à-dire totalement sans refus, sans opposition et sans discussion. Fini la parole de Mikasir. Donc, intérieurement, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de contrariété, c'est une soumission intérieure. D'accord? Qui est-ce qui ne se soumet pas intérieurement? C'est l'hypocrite. C'est l'hypocrite, c'est le monade. Il se soumet extérieurement pour avoir un poste, pour avoir un bon, c'est pas pour être connu, pour la célébrité, pour qu'ils disent qu'il est telle personne, qu'il est bon et tout, mais intérieurement, il n'est pas soumis. Ça, c'est l'hypocrite. En effet, celui qui ne prend pas comme juge Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et préfère les opinions et les passions décrétées par les hommes, telles le communisme, la démocratie, il préfère ces passions-là au Coran et à la Sunna authentique, je dis toujours sunna et j'ajoute toujours authentique parce qu'il y a des mensonges. Parce qu'il y a des gens qui propagent des mensonges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on parle toujours de sunna authentique, authentifiée par les grands savants qui ont la connaissance de ce métier-là. De purifier tout le bon du mauvais. Hein? Les successeurs de Bukhari et de Muslim et de Tirmidhi et Nasa'i et Ibn Majah et puis diront toute l'histoire Ibn Hajar après Al-Hafid al-Zahabi et jusqu'à l'heure actuelle. Hein? Jusqu'à Ibn Ubadi, jusqu'à Cheikh Albani, jusqu'à l'Arnaout et tout. C'est des gens qui connaissent ce métier-là, qui purifient la sunna de tout ce qui est mensonge, tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est bon. D'accord? Ne dites pas que le hadith il s'est arrêté à l'époque de l'imam Malik ou l'imam Bukhari. Non, non. Allah toujours il envoie des hommes qui sont des soldats. Parce qu'il y a toujours des hommes qui rentrent les hadiths d'aïf. Hein? Raja'na min al-jihad al-akbar ila al-jihad al-asghar. Raja'na min al-jihad al-asghar. On est revenu du petit jihad au grand jihad. Hadith qui n'a jamais été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à l'heure actuelle, on fait rentrer des hadiths comme ça. En effet, je dis, celui qui ne prend pas comme juge Allah et son messager et préfère les opinions et les passions décrétées par les hommes, tels le communisme, la démocratie ou tout autre régime, au courant et à la sunna authentique, ou bien accuse la religion d'être conservatrice, ou que ses lois sont sévères, comme le fait de couper la main au voleur, celui-là a en vérité sous-estimé son propre créateur en prétendant que les hommes sont plus justes et plus miséricordieux envers les créatures que celui qui les a proprement créées. D'accord. Celui qui dit non, ça c'est des lois barbares, c'est pas bon ça, on ne doit pas appliquer ces lois. Il a regroupé beaucoup de sortes d'associations. Déjà, il s'est prétendu être plus miséricordieux que celui qui a créé les créatures. Hein. D'accord. Il est plus miséricordieux de ces créatures que la femme envers son bébé quand elle est en train de l'allaiter. Il est plus miséricordieux. Donc il connaît ces créatures. Il les connaît. Il connaît comment ils doivent vivre. Il sait comment ils doivent vivre. Il a statué des lois. D'accord. Comme il a statué des lois avec lesquelles il a régi l'univers, l'attraction terrestre, tout ce qui s'en suit. L'univers, il est régi par des lois. Pourquoi on ne doute pas de ces lois? T'as un jour peur qu'une étoile tombe sur la Terre, ou un rayon cosmique frappe la Terre et qu'il la brûle entièrement? Hein? Qui l'a protégé par l'atmosphère? Qui l'a protégé? C'est toi? T'as un jour peur que la distance entre le ciel et la Terre, entre le Soleil et la Terre, soit diminuée, que le Soleil se rapproche de la Terre pour la brûler? Non. La Terre, elle tourne, elle suit des lois, le Soleil tourne, elle suit des lois bien précises. Pourquoi tu ne doutes pas de ces lois? Alors, celui qui a statué ces lois-là, il a statué des lois qui régissent les rapports entre les êtres humains et entre les pays. Et donc, aussi quiconque agit-il ainsi a égalé les hommes au Seigneur de l'univers. Il est donc un initiateur. Celui qui dit que les lois décrétées par les hommes sont mieux que celles d'Allah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a égalé les hommes avec Allah. On a dit pendant les cours précédents que le fait d'égaler quelqu'un avec Allah, ce n'est pas de l'égaler dans la création, quoi que ce soit. Du moment où tu prends un attribut qui appartient à Allah et que tu lui attribues un être humain, tu l'as égalé. Allah est digne d'invocation. Toi, tu as invoqué une tombe. Qu'est-ce que tu as fait? L'hôte de cette tombe, tu l'as égalé avec Allah. Donc, quoi? Dans l'invocation. Tu ne les as pas égalés dans la création, quoi que ce soit. Non. Tu les as égalés juste parce que tu as donné à cette tombe le pouvoir qu'elle va exaucer ton invocation. D'accord? Donc, le fait de dire que des gens peuvent faire des lois, des droits et tout, et qui peuvent statuer des lois et tout qui sont autres que les lois d'Allah et rejeter les lois d'Allah, ça veut dire que ces gens-là sont mieux qu'Allah, sont plus miséricordieux qu'Allah. D'accord. C'est vrai qu'il y a des lois. Allah nous a donné un cerveau pour qu'on raisonne, quoi. Il a donné, c'est-à-dire l'être humain, il a un champ de travail. D'accord. Il a un champ de travail où il peut donner des lois et tout mais de là à rejeter les lois d'Allah et statuer d'autres lois, ça c'est de la mécréance. Allah a dit, ou bien aurait-il des associés qui auraient légiféré pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Sourate 42, et verset 21. Donc je suis toujours dans l'association, dans l'obéissance. Et donc là je vais montrer que le fait de suivre ou de croire ou d'obéir à quelqu'un qui statue des lois qui sont contraires à l'islam, le fait que la personne il les obéit intérieurement, extérieurement, cette personne il est associateur. Bien sûr on a besoin de le sujet, il a besoin d'éclaircissement. L'imam Shanqiti a dit, quand Satan a inspiré aux mécréants de la Mecque, là il parle de mécréants de la Mecque, des mécréants de Quraysh et tout, quand Satan a inspiré aux mécréants de la Mecque de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la bête qu'on trouve morte, qu'il a tuée. C'est-à-dire, eux, ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la bête qu'on trouve morte. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a tué cette bête? Elle est morte, on la trouve morte. Qui l'a tuée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, Allah, c'est Allah qui l'a tuée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu. Et alors, Satan, il leur a inspiré de dire, ce que vous égorgez de vos propres mains est licite, est-ce qu'égorge Allah de sa propre main, vous l'avez rendu illicite, donc vous êtes donc mieux qu'Allah. Il a dit, la bête là, que vous trouvez morte, c'est Allah qui l'a tuée. Le professeur Assam, il a répondu, il dit, oui, c'est Allah qui l'a tuée. Il a dit, donc, la bête que vous égorgez de votre propre main, vous la rendez licite, et celle qu'Allah l'a égorgée de sa propre main, vous la rendez illicite, vous êtes donc mieux qu'Allah. Vous voyez le raisonnement avec une logique à eux pour... Ça, c'est pour rendre licite le mort, quoi. Et là, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Si vous les obéissez, même s'ils vous amènent une logique, la bête, on la trouve morte, on peut la manger, puisque c'est Allah qui l'a égorgée. C'est pas moi qui l'a touchée. Si je l'égorge, je la rends illicite. Si je l'égorge pas, elle devient illicite. D'accord? Allah leur a dit, malgré cette logique qu'ils ont mis, si vous les obéissez, c'est-à-dire que vous les avez obéis dans une chose qu'Allah vous a demandé de les désobéir. D'accord? Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Sourate 6, verset 121. Et là, Shankrit, il explique... Il a dit, il s'agit d'un serment par lequel Allah a juré dans ce verset que quiconque obéit à Satan dans ce qu'il a légiféré en rendant licite le mort est associateur, et c'est un grand shirk, une grande association qui excommunie celui qui le commet, et les musulmans savants sont unanimes là-dessus. Donc le fait d'obéir à des gens comme ça qui ont légiféré des lois en rendant licite qu'Allah a rendu illicite ou en rendant illicite ce qu'Allah a permis, donc c'est une forme d'association. D'accord? Halal. Il s'agit d'un serment par lequel Allah a juré dans ce verset que quiconque obéit à Satan dans ce qu'il a légiféré en rendant licite le mort, et c'est un associateur, et c'est un grand shirk qui excommunie celui qui le commet, et les musulmans savants, les savants musulmans sont unanimes là-dessus. Ijma' al-muslimin fait al-amal. Quelqu'un il rend quelque chose halal, il la rend haram, et toi tu l'obéis. Mais reste à savoir, est-ce que tu l'obéis intérieurement ou extérieurement? Là on va en parler. Là je vous donne seulement l'épreuve que le fait d'obéir à quelqu'un quand il légifère des lois contraires à Allah, c'est une sorte d'association. Seulement l'épreuve, et après je vais essayer d'expliciter. Là, je vais donner un hadith de Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim, il rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire ce verset. Le prophète, il est en train de lire un verset le verset, je vous le dis. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. Et là, Adi ibn Hatim, à l'époque, il n'était pas musulman. Quand il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ce verset, il a dit, il était à l'époque, il était chrétien. Ça n'a pas ça. Adi ibn Hatim. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne les adorons pas. Nous ne les adorons pas. Parce que quand il a entendu ce verset, il a dit, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie fils de Marie comme seigneur. Il dit, bon, on ne les a pas pris comme seigneur, on ne les adore pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a corrigé, quoi, il a rectifié cette pensée. Et il a dit, n'interdisent-ils pas ce qu'Allah rendit licite? N'interdisent-ils pas ce qu'Allah rendit licite? Répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous l'interdisez, et ne rendent-ils pas licite ce qu'Allah interdit, et vous le rendez licite? Vous avez compris? Alaysa yuharrimuna lakum al-halal fatuharrimuna wa yuhilluna lakum al-harama fatuhilluna. Ils vous rendent des choses licites, et vous autorisez de manger le porc. Alors qu'il est interdit. Il est interdit dans toutes les religions, le porc. Toutes les religions, toutes, il a été interdit. Ils les ont demandé de les obéir, ils les ont suivis. La viande du porc était haram dans Din Isa alayhi salam. On a vu que c'est marqué ça dans le haram. Hein? Je ne sais pas s'il y a, mais sur les hadiths, il y a que dans toutes les religions, le cochon était haram. Ils les ont suivis. Bon, si quelqu'un lit l'histoire de ce qui s'est passé après Isa alayhi salam, les innovations qui ont été faites après, puis l'innovation de la croix, parce que la croix ça n'a pas été, ça fait des siècles après, hein. Et puis on imposait aux gens de manger le cochon, s'ils ne les mangent pas, on les tue. Hein? De même que la circoncision, on dévoile les petits si on voit qu'ils sont circoncis et on les tue. Parce que Isa, il a été circoncis. Et donc, ils les ont suivis quand ils interdisaient le halal et quand ils autorisent le haram. Et donc, ça, c'est une forme d'association. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'interdisent-ils pas ce qu'Allah rend illicite? Et vous l'interdisez et ne rend-il pas licite ce qu'Allah interdit et vous le rendez licite? Et Adi ibn Hatim, il a répondu, oui, il a avoué. Et le professeur Assalam, il a dit, c'est ainsi que vous les adorez. C'est comme ça que vous les adorez. Sans se prosterner, sans rien, sans que vous les invoquez ou quoi que ce soit, vous les avez pris comme seigneur. Du moment qu'ils vous ont autorisé le halal, qu'ils vous ont autorisé le haram et que vous les avez suivis, c'est une forme d'association. Le hadith, il est rapporté par Tirmidhi, sous le numéro de 3095, et Al-Bayhaqi dans le volume 10, page 116. L'imam Al-Shanqiti, dans l'exégèse du verset et du hadith précédent. Là, l'imam Al-Shanqiti explique ce hadith avec le verset qui précède. D'accord? Cette exégèse prophétique consiste à dire que quiconque suit des législateurs dans ce qu'ils ont interdit et ce qu'ils ont rendu licite, sachant que c'est contraire à la législation d'Allah, il est adorateur d'eux, associateur et mécréant. Dans le livre de Adwa al-Bayan, Surat al-Tawba. Et là, j'ai cherché aussi dans l'exégèse du même verset par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. De toute façon, dans le verset du Coran, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie fils de Marie comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Ça c'est jusqu'à maintenant, hein. Ils les ont pris, ils les prennent toujours. Jusqu'à maintenant, ils autorisent ce qui est haram. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. Le verset même qui vient après, c'est quoi? يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. C'est eux qui autorisent le haram et c'est eux qui prennent l'argent des gens. Oh, vous qui croyez, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement et leur obstruent le sentier d'Allah à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement et leur obstruent le sentier d'Allah. Ça c'est jusqu'à maintenant. Les bourgs, c'est tout ce qui s'enfuit, c'est toi, hein, ce qui barre que la da'wa arrive aux gens, que les gens connaissent leur propre créateur, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident au-dessus de tout, c'est eux qui décident, qui barrent le chemin d'Allah aux gens. Dans l'exégèse du même verset et du hadith précédent, le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah a souligné un point très important. Il a dit, là vous devez me suivre parce que c'est très important, il a dit, les gens qui ont fait des seigneurs de leurs rabbins et leurs moines, en leur obéissant dans leur action de permettre l'interdit et d'interdire le licite, ces gens sont de deux catégories. Là, vous me suivez. Premièrement, ils savent qu'ils ont faussé la religion d'Allah et ils les suivent dans cette falsification. Ils admettent ainsi qu'on rende licite ce qu'Allah interdit. Ils l'admettent. Et qu'on interdise ce qu'il a permis, afin de suivre leur chef alors qu'ils savent qu'ils ont contredit la religion des messagers. Cela est de la mécréance. Et Allah et son messager l'ont qualifié de shirk, bien que ces gens ne prient pas et ne se prosternent pas à leur chef religieux. Du moment où ils admettent, ils disent oui, ce chef religieux, de toute façon, chef religieux ou autre, il a le droit d'autoriser le haram, il a le droit d'interdire le halal, il admet. Là, c'est de la mécréance, c'est de l'association. C'est ainsi que celui qui suit sciemment les autres dans la contradiction de la religion, très important, dans la contradiction de la religion, et qui croit fermement à ce qu'ont prétendu ces contradicteurs, en laissant de côté ce qu'a dit Allah et son messager, celui-là devient un associateur, mouchrik, comme eux. Vous avez suivi? Donc celui qui suit sciemment les autres dans la contradiction de la religion, il les suit alors qu'ils contredisent la religion, ils la jettent derrière leur dos, et il les suit sciemment et il admet, il dit oui, ils ont le droit et tout. D'accord? Celui-là, il est associateur. Alors, le deuxième point maintenant. Ou bien, ils croient fermement que leurs chefs ont bien permis ce qu'Allah a interdit et ont interdit ce qu'Allah a permis. Ils croient. Ils disent qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils croient. Mais ils leur ont obéi malgré cela dans la désobéissance d'Allah. Ils croient qu'ils ont interdit. Ils disent, bon, ces chefs-là n'ont pas le droit de faire ça. Mais pourtant, ils les ont suivis dans la désobéissance d'Allah. C'est de cette même façon que le musulman commet des actes de désobéissance à Allah, tout en sachant bien que ce sont des actes de désobéissance. Ces gens sont jugés comme les pécheurs de leur espèce, car nous savons sûrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'obéissance n'est due que dans le bien, communément reconnu comme tel. D'accord? Ils savent qu'ils ont changé les lois d'Allah. Ils savent qu'ils ont contredit les lois d'Allah. Mais ça arrive aux musulmans de les suivre. Ça arrive. Mais ils disent non, mais moi à l'intérieur je renie ce qu'ils font. Mais par la passion et tout, il lui arrive de boire l'alcool ou de manger quelque chose de haram et tout. Là, il a commis un acte de désobéissance, pas de l'association. D'accord? Il est poussé par... Mais à l'intérieur de lui, il renie ces lois-là. Il dit, ces gens-là n'ont pas le droit de statuer des lois comme ça. D'accord? Ça, c'est un point très important, parce que beaucoup de groupes, ils ont dévié là-dessus. Hein? D'accord? Et ça, je l'ai rapporté de Majmou' al-Fatawa, volume 7, page 70, Ibn Taymiyyah. Vous voulez que je répète? Ouais. Donc, là, quand Ibn Taymiyyah a expliqué le verset avec le hadith, ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur et tout. Et dans le hadith où Adi ibn Hatim, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ce verset, il a dit nous ne les adorons pas, c'est-à-dire on ne prend pas nos seigneurs comme un, on ne prend pas nos rabbins, nos moines comme un seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit vous les obéissez dans la désobéissance d'Allah. Vous les suivez quand ils autorisent ce qui est illicite. Vous les obéissez quand ils interdisent ce qui est illicite. Et là, Adi ibn Hatim, il a dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de cette façon-là, si vous les suivez, c'est une sorte d'adoration. C'est-à-dire que vous les avez associés à Allah. C'est le cas, comme c'est rapporté par Tirmidhi. Vous les adorez, du moment que vous les avez suivis. C'est le cas, ibadatukum iyam. Ibadatukum iyam. Et donc, Ibn Taymiyyah, il explique ça. Il a dit que ceux qui ont suivi leur rabbin ou même ceux qui suivent leur président ou quoi que ce soit, leur chef, qui autorise ce qui est haram et qui interdit ce qui est halal, ils sont de deux sortes. Soit des gens qui savent, ils savent qu'ils ont faussé la religion. Même s'ils ne pacifient pas de leur main, comme ont fait les juifs et les chrétiens, le texte il est là dans le Coran. Le texte, la loi elle est là, mais lui il la rejette. Et il prend une autre, rapportée par Napoléon, rapportée par je ne sais pas quel résultat de l'œuvre d'être humain. Et donc ils savent qu'ils ont faussé la religion d'Allah, et ils suivent dans cette falsification. Ils admettent ainsi qu'on rende licite ce qu'Allah a interdit, et qu'on interdise ce qu'il a permis, afin de suivre leur chef. C'est-à-dire ils admettent, ils disent oui, il a le droit de faire ça. Ah c'est un chef, c'est lui le chef, c'est lui qui dirige, c'est lui le patron, c'est à moi de l'obéir, et il a le droit de rendre... On ne peut pas les devancer dans ce qu'ils ont. Ils ont interdit le halal, bon, on les suit. Ils admettent ça. Donc, je dis, ils admettent ainsi qu'on rend licite ce qu'Allah a interdit et qu'on interdit ce qu'il a permis afin de suivre leur chef, alors qu'ils savent qu'ils ont contredit la religion des messagers. Le savoir est très important. Hein? Si un chef, il a légiféré une loi et tu lui obéis, tu ne sais pas que c'est Allah l'interdit. Il est pardonné pour l'ignorance. Il y a des choses où l'être humain il est pardonné pour l'ignorance. Et donc, bon. Ils admettent aussi qu'on rend des titres. Il est pardonné par l'ignorance. C'est-à-dire s'il ignore. Il ignore qu'une certaine loi contredit le Coran et la Sunna. Et il l'obéit, c'est-à-dire, il l'obéit dans cette loi-là. Là moi je dis qu'il y a des choses où Allah pardonne, il y a des choses qu'Allah ne pardonne pas. Parce que c'est un grand sujet, l'udhr, ça touche l'udhr bil-jahl. Est-ce qu'une personne, s'il commet un acte d'association, est-ce qu'il est pardonné, est-ce qu'il n'est pas pardonné? Là c'est un grand sujet. Est-ce que l'ignorance est pardonnable? Oui, ça c'est le grand sujet. Ouais. Ça c'est un grand sujet. Hein? On va chercher la vérité. Inch'Allah, on va... Donc je continue. Cela, Ibn Taymiyyah l'a dit que cela est de la mécréance. D'accord? Et Allah et son messager l'ont qualifié de shirk. Bien que ces gens ne prient pas et ne se prosternent pas à leur chef religieux. C'est ainsi que celui qui suit sciemment les autres dans la contradiction de la religion et qui croit fermement à ce qu'ont prétendu ses contradicteurs en laissant de côté ce qu'a dit Allah et son messager, celui-là devient un associateur. Le deuxième cas, ou bien il croit fermement que leurs chefs ont bien permis ce qu'Allah a interdit et ont interdit ce qu'Allah a permis, mais ils leur ont obéi malgré cela dans la désobéissance d'Allah. c'est de cette même façon que le musulman commet les actes de désobéissance à Allah tout en sachant bien que ce sont des actes de désobéissance. Ces gens sont jugés comme les pécheurs de leur propre espèce, car nous savons sûrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'obéissance n'est due que dans le bien, communément reconnu comme tel. » C'est-à-dire « Il ne m'a pas atofé le ma'ruf. » Quelqu'un qui te demande de désobéir à Allah, tu ne dois pas. Tu ne dois pas l'obéir. Mais si tu reconnais qu'il n'a pas le droit de faire tel et que tu l'as obéi, tu as commis un péché, c'est pas une association. Donc je continue. Dans les journaux, ils combattent, débattent dans la télé pour qu'il ait... Non, c'est ces lois-là, c'est la démocratie qui doit être imposée. Adé, il n'est pas musulman. Adé, il n'est pas musulman. C'est avec la parole, avec l'acte, où il est, il honore, et où il aime. Alors l'amour, c'est khlas. L'amour, il est mécréant dès le début. Hein, parce que c'est le pilier de la foi, le pilier de l'adoration, c'est l'amour. S'il aime ces lois-là et tout, il est mécréant. Hein. Donc il y a des actes qui montrent que la personne peut sortir d'islam. Des actes, par exemple, quand il glorifie ça, quand il l'appuie, quand il finance, il montre que cette personne, il n'est pas musulman. Parce qu'une telle personne, il ne peut pas faire ça. Parce que cet acte, il est dû à quoi? Il revient à quoi? Il a la volonté dans son cœur. Il a un acte du cœur. Il a un mépris à l'intérieur de lui. De l'islam. Et il est impossible que quelqu'un qui respecte l'islam, qui aime l'islam, qui aime l'islam, il fait un acte qui montre qu'il fait des, un acte qui est le contraire de ce qui est dans sa foi, de ce qui est dans son cœur. Celui qui combat l'islam, il est pourri à l'intérieur. S'il est pourri à l'extérieur, il est pourri à l'intérieur. Cependant, celui qui commet un péché, comme la fornication ou boire le vin, en croyant fermement que c'est illicite, et en reniant ceux qui dans leur loi autorisent ce qu'Allah a interdit, celui-là est considéré comme pécheur et non pas comme mécréant. Il dit par exemple, ils ont statué, ils ont dit le débit d'alcool, il est autorisé dans tous les territoires. Et lui, c'est un type, musulman, il fait la prière, il lui arrive de boire le vin. Ça c'est un acte, c'est un péché. Mais à l'intérieur, tu lui dis ça, c'est haram, il dit bien sûr. Ces gens ont le droit de statuer ça, d'autoriser le vin. Ils disent non, ils n'ont pas le droit. Celui-là, il n'est pas mécréant. Il a fait un péché. D'accord? Donc il faut faire la part des choses. D'accord? On ne devient pas des khawarij, on excommunie les gens comme ça. Selon Ibn Mas'ud, regardez ce hadith-là, c'est un hadith clé. Hein? C'est un hadith très important. Ça va, vous avez compris jusqu'à... selon Ibn Mas'ud, le messager d'Allah a dit « Il n'est pas de prophète suscité par Allah à sa nation qui n'ait eu parmi les gens de sa communauté des partisans fidèles, hawariyoun, et des compagnons adoptant sa ligne de conduite et obéissent à ses ordres. Il n'est pas de prophète suscité par Allah à sa nation qui les tue parmi les gens de sa communauté, les partisans fidèles, c'est les Hawariyoun, comme les Hawariyoun de Isa a.s. et des compagnons adoptant sa ligne de conduite et obéissent à ses ordres. C'est-à-dire, il appuie le prophète, le messager, il l'aide et tout. Mais ensuite, leur succéderont d'indignes remplaçants, qui diront ce qu'ils ne font pas eux-mêmes et feront ce dont ils n'auront pas reçu l'ordre divin. Donc ils feront le contraire. Et... Donc ces mauvais successeurs, finalement, celui qui les aura combattus de sa main sera croyant. D'accord? Tu peux pas. Il y a toujours le rapport intérieur-extérieur. Hein? Il y a connaissance d'Allah, amour d'Allah, vénération, crainte et action. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهد quand il n'a aucun doute à l'intérieur, l'acte. Il est impossible que quelqu'un il dit moi j'ai la foi et tout, il bouge pas, il dort, il stade, il dit que... D'ailleurs, il faut enlever ce terme-là, que la foi est dans le cœur. Vous l'enlevez. Vous appelez comme l'a dit le Bukhari, comme l'a dit Al-Sunna, comme l'a dit... Le Bukhari ne rapporte pas un hadith de quelqu'un qui dit que la Coran, c'est juste la parole du corps ou c'est juste une parole. Il a dit, je ne prends pas le hadith de quelqu'un qui dit ça. Je prends le hadith de quelqu'un qui dit la foi est parole et acte. Tu te rends compte, il doute de ça, il doute de son humain. Quand il enlève l'acte, et bien sûr, quand on a enlevé l'acte, on a réduit l'humain à juste tasdir, à juste une adhésion du cœur. Ça a fait les dégâts. On a été colonisé, on a été... Tu ne fais pas le djihad, tu dors. Ce n'est pas la foi dans ton cœur. Tu ne fais pas la prière, t'as la foi dans ton cœur. Non. La foi, c'est acte et parole. Mais quand le François Hassan dit que le pape Jacques, c'est un conseil, quoi. Ouais. Donc, je continue le hadith. Je répète le hadith. Bon. Il n'est pas de prophète suscité par Allah à sa nation qui n'ait eu parmi les gens de sa communauté des partisans fidèles, Hawariyun, et des compagnons adoptant sa ligne de conduite et obéissant à ses ordres. Mais ensuite leur succéderont d'indignes remplaçants qui diront ce qu'ils ne font pas eux-mêmes et feront ce dont ils n'auront pas reçu l'ordre divin. Celui qui les aura combattus de sa main sera croyant. Celui qui les aura combattus de sa langue sera croyant, et celui qui les aura combattus de son cœur sera croyant. Mais après cela, il n'y a plus de poids d'un grain de moutarde de foi, rapporté par Muslim. Donc, فَمَنْ جَاهَدَ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. Donc on ne peut pas... Il y a des gens qui renient par leur cœur, donc on ne peut pas dire qu'ils sont mécréants parce qu'ils les ont obéis ou quoi que ce soit. D'accord? Seulement si leur acte justifie qu'ils ont soutenu ce régime, qu'ils ont propagé, qu'ils combattaient, qu'ils sont prêts à prendre l'arme pour combattre ce régime-là, là c'est un acte de mécréance. D'accord? Donc ça c'est un hadith très important. Ouais, bon, j'ai fini là-dessus. Je crois que je vais continuer aussi. Je vais ajouter des petites choses là-dessus. Donc, pas des choses importantes. Le fait, déjà, que même dans le Coran, dans les versets qui parlent sur les gens qui suivent ou qui veulent être jugés par des lois autres, qu'Allah ne les a pas nommés, même musulmans. Il ne les a pas nommés des croyants. Ça, il a dit, c'est des caractères. C'est des caractères propres à l'hypocrite. C'est l'hypocrite qui fait ça. C'est l'hypocrite qui cherche d'autres jugements. Jamais, Allah, c'est comme s'il nous montre que jamais le croyant va aller chercher des lois d'autres, des koufars, ou aller emprunter des... Il n'est pas un croyant. Et donc, même Allah, quand il s'adresse dans ces versets-là, quand il s'est adressé aux gens qui suivent les lois d'autrui, il les a appelés des hypocrites. Je vais vous sortir les hadiths. Je n'ai pas continué le cours, je n'ai pas fini mon cours là. Je vais vous sortir les versets qui parlent de ça. Voilà. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarot. Le Tarot, c'est les autres divinités, toutes les formes de divinités. Alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. N'as-tu pas vu ce? C'est pas adressé aux croyants. Dans ce siyam, il s'est adressé aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Mais là, il n'a pas évoqué les croyants, parce qu'il n'est pas croyant celui qui prend le juge autre qu'Allah. Nisa. Et lorsqu'on, regardez, si je viens le deuxième verset, et lorsqu'on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. D'accord ? Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains, puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. On a rapporté les lois autres qu'Allah pour le bien des gens. On a ramené les lois de Napoléon et tout ce qui s'en suit, c'est pour le bien des gens. Donc ça c'est relatif aux hypocrites. Et aussi dans Sourate An-Nur aussi, l'autre verset, An-Nur. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون ويقولون آمنا Ils disent, nous croyons en Allah et au messager et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelqu'un d'entre eux s'éloigne. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou doutent-ils? Ou craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager? Non, mais ce sont eux les injustes. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu et nous avons obéi, et voilà ceux qui réussissent. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. C'est des caractères de qui cela? Nous croyons en Allah et au messager et nous obéissons, et puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. C'est qui cela? C'est le munafiq. Donc tous les versets en ce qui concerne le hukm derrière ma anzallah, suivre d'autres jugements, c'est une caractéristique de l'hypocrite. Bon, mais de toute façon, là, c'est une caractéristique de l'hypocrite. Donc finalement, c'est le musulman, la première chose, déjà quand on dit musulman, ça veut dire soumis. Soumis total, soumis devant les textes. Soumis devant les textes. Allah il a rendu quelque chose licite, sami'na wa ata'na. Allah il a interdit quelque chose, sami'na wa ata'na. On ne doit pas rejeter ou on ne doit pas prendre une partie ou jeter l'autre ou choisir comme on veut. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que celui qui dit je crois à une partie, je ne crois pas à l'autre partie, c'est lui le plus grand des mécréants. Hein? أولئك هم الكافرون حق وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا d'accord ils disent nous croyons en une partie et à l'autre on ne croit pas et ils veulent dribbler ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا Allah il dit ce sont tous les vrais mécréants d'accord donc on a fini toutes les formes d'association et je ne sais pas si il reste maintenant le deuxième grand titre, c'est l'association dans Rububiyya. Parce que l'association dans l'Ulouhiyya, l'association dans l'Ulouhiyya, c'est-à-dire prendre une divinité, s'adresser à quelqu'un d'autre, à Allah, s'adresser à quelqu'un d'autre qu'Allah dans l'invocation, s'adresser à quelqu'un d'autre qu'Allah dans l'amour, très important, s'adresser à quelqu'un d'autre qu'Allah dans l'intention en faisant cet acte, c'est-à-dire je donne le monde mais je ne donne pas pour Allah finalement, je le donne pour des raisons quoi. Donc s'adressant à Allah dans l'intention et s'adressant à Allah dans l'obéissance à ses lois et à ses ordres. D'accord ? Donc tout ça, c'est des formes d'association. Et puis, maintenant, le grand titre, l'association dans Rububiyya. L'association dans Rububiyya, Rububiyya, il signifie trois choses, la création, la royauté et la gérance. Quand on dit Rabb, quand on dit Allah et Rabb, si quelqu'un vous dit, c'est quoi Rabb ? Rabbil Alamin. Rabb, c'est quoi Rabb ? Vous dites Rabb, ça veut dire que c'est lui le créateur, c'est lui qui gère, et c'est lui qui administre tout, c'est lui qui est le roi de tout. Rabb, ça vient de Rabba, hein? Rabba, éduquer, hein? Éduquer. J'éduque mes enfants, donc je cherche le milieu qui leur convient, donc je les couvre quand il fait froid, je les protège, quand ils sont malades, je les soigne et tout. Allah, il est Rabbuna, hein? Rabbuna. Donc lui, c'est lui qui nous protège avec une atmosphère pour qu'on ne soit pas brûlé par des rayons cosmiques ou pour qu'un taux d'ultraviolet ne vienne pas causer le cancer dans notre peau ou quoi que ce soit. Donc c'est une protection, c'est lui qui nous a créé, il nous protège, il gère, il administre tout. Donc ça c'est Rabbuna. Et donc dans Rububiyya, il y a quoi ? Il y a la miséricorde, il y a la connaissance, il y a tout ça. D'accord ? Quand on dit Rabb, on dit lui. Quand on dit Ilah, on dit nous. Hein, d'accord ? Retenez bien ça. Quand on dit Rabb, lui, lui qui a créé, lui qui a fait pleuvoir, lui qui a fait ça, lui qui a créé l'univers, lui qui a fait ça, on dit Rabb. D'accord ? Et quand on dit Ilah, on dit nous. À nous de l'adorer, à nous de se prosterner devant lui, à nous d'obéir à ses lois. Parce que Ilah, ça veut dire l'adorer. Hein? Il a, les ulama l'expliquent par le. C'est pas, on dit la ilaha illallah, c'est pas comme disent les autres sectes, il est unique dans ses noms et ses attributs. Oui, il est unique aussi, il est indivisible, il n'est pas une substance, il n'est pas quelque chose qui advient à la substance, c'est une certaine définition qu'on n'a jamais trouvé dans le Coran ni dans la Sunna. C'est quoi cette définition de Bologna? La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a d'adorer qu'Allah. C'est-à-dire à nous de se diriger vers lui dans l'adoration, dans l'amour. Hein? Acte et parole vers lui. Acte du corps, amour, crainte, vénération vers lui. Acte du corps, prosternation, jihad, salat, pèlerinage, tout ça pour lui. Donc c'est ça, c'est Bologna. Quand on dit il est expliqué par la voix passive. La voix passive, l'adorer. D'accord? Quand on dit la ilaha illallah, tu commences par toi. Et c'est là que la séparation, c'est là que commence le conflit. Il dit, là, là, c'est lui qui descend. Oui, on sait ça. Par prime nature, la personne le connaît. Mais tu dis, là, tu commences par toi. Ah, moi, là, ça devient le problème. Là, à moi d'obéir. Oui, il est le créateur, mais à moi d'obéir, ça c'est grave. Ça c'est, non, il veut pas obéir, il y a les passions de la vie, là. Mais c'est pour ça que les prophètes sont venus. Pour que toi, tu te diriges vers lui. Mais le fait de reconnaître qu'il est le créateur, ça même Pharaon ne l'a pas nié. Hein? وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Allah, il dit, ils l'ont renié, ils savent, mais ils l'ont renié. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاء إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ. Tu sais, Moussa a dit à Pharaon, tu sais qu'Allah, c'est lui qui a descendu ce signe-là. Donc finalement, par prime nature, Allah est le créateur. Les coupables de Quraysh le reconnaissent qu'il est le créateur et que c'est lui qui dirige le monde. Ah, d'accord. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Quand tu leur dis qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Mais le problème c'est quoi? C'est dans Al-Uluhiyya. Al-Uluhiyya, c'est quand on s'adresse par quoi vous mettez toujours quand vous dites il a. Vous commencez par vous et vous commencez par le premier acte, l'amour. C'est ça qui fait bouger tout. C'est ça. Est-ce qu'il y a cet amour? Est-ce qu'il y a cet amour? Parce que c'est l'amour qui fait bouger la volonté, qui fait bouger l'acte. D'accord? Qui souffre quand il fait froid le matin et pourtant tu fais les ablutions même avec le froid pour être devant lui. Donc c'est qui t'a poussé à faire ça? Qui t'a poussé? C'est cet amour. Et donc c'est le premier pilier et le premier grand pilier. Et donc tout associateur, mis à part qu'il ne connaît pas son créateur, il est ignorant, même bien qu'il a la doctorat en physique nucléaire, s'il n'adore pas, il est ignorant pour Allah. Ah, jahil. Leur loi c'est ignorance, c'est du paganisme, et leur science ça fait partie du paganisme, qu'on ne s'amène pas vers l'adoration d'Allah. Donc la connaissance, il ne connaît pas, et l'amour, celui qui associe, sûrement il n'a pas cet amour. Il est impossible que tu l'adores ou tu vas invoquer une tombe, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. D'accord? Il est impossible que tu désobéisses à ces lois, que tu dis que ces lois sont arriérées et tout, sont primitives, ça c'est conservateur, ça c'est lapider quelqu'un qui est pésina, c'est quoi ça? Donc c'est quoi? Quand tu dis ça, ça veut dire que cet amour, ça n'existe pas dans ton cœur. Donc c'est le plus grand pilier, c'est le mahabba. Hein? Ma'lour, ils ont expliqué par mahboub. Ali haché, ali fa. Et comme j'ai dit, al-wala, c'est le un grand degré de l'amour. Voilà. C'est l'amour, finalement. Et de ça, où ça vient, le terme, il est. Et Allah, c'est pareil. Hein? D'accord? Donc, c'est nous vers lui. Quand tu dis là, il est Allah, tu dis toujours, tu commences par toi. À moi vers lui. À moi de me prosterner, à moi de l'obéir, à moi de l'invoquer, à moi de l'air. Et donc, celui qui te dit là, il est Allah. Et puis il commence à t'expliquer, celui qui a fait pleuvoir, celui qui a fait ça, celui qui a créé, celui. Il dit, écoute, ça, il faut le compléter. Oui, c'est vrai, c'est une définition, mais il faut compléter. Parce que ça, finalement, c'est là, Rabba illallah. Mais le fait de reconnaître, de dire la Rabba illallah, ça ne suffit pas de faire rentrer la personne en islam. Ça ne suffit pas de dire que la personne est une wahid. Ça ne suffit pas. Parce que tu trouves même des associateurs, ils disent oui, c'est lui le créateur. Même c'est lui qui a changé carrément les lois d'Allah. Tu vois vers un chef, il a changé toutes les lois d'Allah, tu lui dis, qui gère le monde? Il dit, le créateur, il m'a créé, il t'a créé. Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il s'est égalé avec son créateur? C'est quand il change les lois d'Allah. Ou quand il commet une forme d'association. D'accord? Donc ça, c'est le fait qu'il a créé, ça c'est l'arabe et le mal. Non, vous complétez la définition. Complète la définition. Et comment tu la complètes? C'est la ma'bouda illallah. C'est à lui de m'adresser à lui. C'est à moi de m'adresser. Ah, vous dites à vous, quand tu commences par toi, c'est là que commence le problème. Et c'est là que tu dis que j'ai cette unicité. Et c'est là qu'il montre la lourdeur de tawhid. Quand l'acte, parce que tawhid, bon, il diminue pour ça. Il y en a qui l'ont prononcé, qui ont dit la illallah, Allah il a fait descendre le malaïka. Pour combattre avec eux. Mais là, ils ont les sabres, ils combattent. Qu'est-ce qui a fait descendre les anges? Qu'est-ce qui a fait descendre les anges pour 314 dans Badr? Ils ont dit là, il est Allah. Je vous donne. Ah, les malaïkas sont à votre service. Pourquoi? Parce que là, il est Allah, pour eux, c'est une parole. Une parole de la bouche, en changeant le mal par la bouche, en prononçant la shahada, une parole du cœur, en connaissant vraiment leur créateur, qu'il est au-dessus des cieux et tout, quand ils s'adressent vers lui, ils disent comme ça. C'est pas, ils disent, il n'est pas au-dessus des cieux, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, comme disent les Ash'ari et les autres sectes. D'accord? En le connaissant. Parole, la bouche, parole du cœur, connaissance, acte du cœur, amour et vénération, crainte, espoir, confiance et axe du corps. Hein? Axe du corps, jihad. Un bâton à la main pour combattre. Donc, remplis ces conditions, Allah il a descendu les anges. Donc, la ilaha illallah, ça ne s'est jamais réduit à une simple prononciation. Quand ça a été réduit à une prononciation, regarde l'étance. Nos terres, elles débordent du pétrole et nous, on est en esclavage ici. C'est le mécréon qui marche avec ton pétrole. D'accord? Il t'a soumis. Et tu obéis à ses lois. Chez toi, ici, tu obéis aux lois de Napoléon, tu n'échappes pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appliqué la ilaha illallah comme Allah il veut. D'accord? Et donc quelle est la solution? Ça commence toujours par ça. Ça commence par toi. D'accord? Ça commence par l'unicité et c'est cette unicité qui nous donne, qui donne les fruits. Cette unicité qu'Allah il a ressemblé à un arbre. Daraballahu matalan, kalimatan tayyiba, kashajaratin tayyiba, asluha thabitun, wa far'uha fis samaa, tu'ti ukulaha kulla hin bi'idni rabbiha. Allah il a ressemblé la ilaha comme un arbre, il a des racines bien enracinées. Personne ne te met en doute. D'accord? Que ses lois sont les vraies, que lui il est l'unique, que c'est lui qui est digne qu'on l'obéisse, et que c'est lui qu'on doit avoir confiance. D'accord? Même si tout le monde nous délaisse. D'accord? Une racine, bien enracinée. Et que les branches vont vers le ciel. Hein, d'accord? Et qu'il donne des fruits. La ilaha, il donne des fruits. D'accord? Qu'on propage l'islam, qu'on fait la da'wah, qu'on fait le jihad, dans notre comportement. C'est ça la ilaha. D'accord? C'est un arbre bien enraciné qui donne des fruits. D'accord? C'est pas comme les simples paroles et sans fruits. Donc le retour à ça. Et quand on retourne à ça, quand on commence à connaître notre propre créateur, et c'est ça le problème. Les ennemis de l'islam, pour casser ça, ils essayent de barrer le chemin dans l'unicité. Ils t'ouvrent les autres. Il y a des sectes qui, si tu as une tache d'impureté dans ça, ils ne te pardonnent pas. Ils te disent, il faut enlever cette tache d'impureté. Hein? Et dans ta tête, ils t'ont rempli plein d'impureté dans ta tête. Cette petite tâche, tu insistes pour l'enlever alors que la tête elle est pourrie. Non, tu m'enlèves cette impureté dans ma tête d'abord. D'accord? Donc finalement, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'application acte et parole qui finalement donne des fruits, qui finalement te pousse à avoir une vision claire de ton entourage. Et la vision claire de ton entourage, tu ne la reçois jamais de la télé, ou d'une revue, ou d'un livre d'un philosophe, ou de n'importe quel politicien, ou de n'importe quel historien. Wallah al-Adim. C'est à partir de là, il est à Allah que tu reçois une vision claire sur les choses. Sur les visions claires sur les, ton entourage, et sur une vision claire sur l'histoire aussi. Hein? Parce que tu as suivi le sentier d'Allah, tu l'as suivi. Walladina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana. Hein? T'as suivi la voie, t'as cherché à apprendre le droit d'Allah sur toi. Il est évident, par sa justice, qu'il te montre le chemin. Et donc ceux qui ont idée claire sur les choses, c'est eux qui connaissent leur propre créateur. D'accord? Tu vas parler avec n'importe qui, tu vas ramener 10 chrétiens comme a dit Ibn Qayyim rahimahullah, tu ramènes 10 chrétiens pour chacun explique le christianisme, ils vont se départager en 11 avis différents. Et il est valable pour les musulmans, quand ils ne suivent pas. Quand ils ne suivent pas ce qu'Allah a demandé en priorité, le connaître, subhanallah. Tu ramènes 20 musulmans, tu leur dis, faites-moi connaître mon créateur. Il a des noms, il a des attributs, il a droit à ça, il a droit à ça. Et ils vont se diviser. Il y en a qui va dire Allah il est où? Il dit dans le corps des musulmans. D'accord, mais est-ce qu'il y a un hadith qui rapporte qu'il est où? Hein? D'accord. Il te dit Allah se trouve partout. Kullu ma tarahu bi'ayniki fa huwa Allah. Soufisme. Ils vont se départager. Il dit l'autre, il dit je ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas la base. Qu'est-ce que tu vas savoir si tu ne sais pas? Je me demande ce que tu peux savoir. Si tu ne connais pas la base de ta religion, la base de l'islam, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُ. C'est pour ça qu'ont été envoyés les prophètes. C'est pour ça que le sang a coulé. C'est pour ça qu'il y avait des tortures. C'est pour ça qu'Allah il a créé l'univers. C'est pour le connaître et pour l'adorer. Tu ne le connais pas, donc à quoi tu sers? Donc à nous de suivre et de comprendre, d'essayer de connaître notre Créateur comme l'ont compris, comme l'ont décrit le prophète par la source authentique et expliquer les versets du Coran qui se rapportent à l'unicité comme l'ont compris les Sahaba. D'accord. Parce qu'ils sont les plus, ils sont les plus connaisseurs, ils sont les plus connaisseurs de cette communauté. Ils sont les plus connaisseurs. C'est les premiers. D'accord. من أراد أن يستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فقول ابن مسعود رضي الله عنه celui qui veut suivre le sunnah suit ceux qui sont morts qui l'ont précédé les sahaba et tout ils ont donné pourquoi ils ont donné leur sang pour ces versets là les versets que tu vois là qu'on lit maintenant tranquille on n'avait pas les faits comme ça ces versets là ils ont donné leur sang pour ces versets là donc ils sont les plus connaisseurs de chaque mot. C'est eux qui ont pris le wahi. Quand le professeur a pris la révélation, il met la main comme ça autour de lui, pour les gens, il écrit, soit sur un morceau de bois, sur une, un os de bête, ou quoi que ce soit, il écrit. D'accord. Donc c'est eux les plus connaisseurs, c'est eux qui savent chaque mot de... Et c'est eux notre source. En plus de cette source, subhanallah. فمن أراد أن يستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة parce que le vivant il n'est pas exempt de tentation. Donc c'est eux qui sont les plus proches du prophète صلى الله عليه وسلم, ils ont donné leur sang pour ces versets, donc on doit comprendre le Coran, la Sunna comme eux ils l'ont compris, ils l'ont rapporté, ils l'ont écrit de leur propre main, c'était Umana al-Wahi, hein. C'était le prophète lui a donné les missions pour qu'il écrive quoi? Il écrive la parole qui fait trembler les anges. Hein, vous connaissez le hadith quand Allah il décide une décision au-dessus des cieux et les anges tremblent leurs ailes en guise de soumission. Et dans un hadith, tous se prosternent. Et le premier qui lève sa tête, c'est Jibril alayhi salam. Cette parole qui est lourde, cette parole qui a cette importance, eux, ils ont connu, ils ont su cette importance. Ils ont su la valeur. C'est pas comme nous, on feuillette comme ça. Et des fois, on critique ce qu'il y a dans le Coran. Eux, ils savent. Ils sont les plus connaisseurs. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُوا عَلَيْهِمْ لِفِتْنَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ أَعْمَقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا c'est-à-dire c'est leur cœur ils ont un cœur c'est-à-dire plus soumis plus que les autres et ils sont les plus connaisseurs. On ne dit pas que eux sont des hommes et nous c'est vrai que eux sont des hommes et nous on est des hommes, d'accord, mais Allah les a élus, d'accord. Le sceau, le tampon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cachet, il a dit voilà, les meilleurs gens, et non pas les meilleurs siècles, les meilleurs gens sont mon siècle, et le siècle qui vient après, le siècle Talat Quran. Et après, il y avait des divergences et tout. À nous de retourner à ces gens-là, à nous de comprendre les textes comme ils ont compris. Pas qu'on hérite une philosophie venant de je ne sais pas quiconque, d'Aristote je ne sais pas qui, et on l'extrapole sur notre dogme religieux. Qu'est-ce qui se passe? On casse notre temps. On casse. Inch'Allah, dans les cours prochains, on va parler de façon l'association dans le Boubia, et on va éclaircir beaucoup de choses pour que vous ayez une lumière, pour que vous ayez un bon regard sur les choses, et que vous faites beaucoup d'efforts dans la connaissance de l'unicité. Wa subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.